L'homme est un moyen et non une fin en soi. Moyen d'être plus riche et vivre dans la soie. Une vision mercantile est tellement plus utile que toucher des allocs en parasite ad hoc. Profit maximum et rendements escomptés. Voilà l'optimum, pour nous c'est le seul bienfait. Du capital, des entrepreneurs, exploiter, dominer, c'est ça le vrai bonheur. Jeunesse capitaliste! Le capital dénonce l'exploitation et nous au final on l'encourage à fond. Que faire de tant d'argent? Bien sûr réinvestir, pas trop profiter, ce serait sûrement pire. Fils des marchés boursiers, tu finiras aisé. Fils du bac à sable, tu finiras misérable. Il est un grand principe, il convient de rappeler, l'homme est une marchandise à être exploité. Jeunesse capitaliste. C'est sa finalité, un peu comme toutes les autres. Et tant pis si ça râle, ce n'est pas notre faute. Augmenter les salaires, c'est pour nous trop vulgaire. Le bénéfice prévu finira en gruyère. Les pauvres actionnaires vivent tous dans la misère. Ne soyons pas méchants, donnons-leur leur argent. Jeunes capitalistes, une vision futuriste. Le droit des propriétés ne peut être renié. Jeunesse capitaliste.